Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 80. De l'usage de l'Eucharistie ou de la communion. Communion sacramentée, les communions spirituelles. La communion eucharistique est particulière à l'homme. Les méchants et les bons reçoivent Jésus-Christ. Du sacrilège. Péché grave, mais non le plus grave de tous les péchés. Pécheur auquel on doit refuser l'Eucharistie. Obstacle à la communion, du jeûne, du défaut de raison. Est-il bon de communier tous les jours? Obligation de communier. Le prêtre doit communier sous les deux espèces. 1. Doit-on distinguer deux manières de recevoir le corps de Jésus-Christ? Il faut considérer dans l'Eucharistie le sacrement lui-même et son effet. Pour participer parfaitement au sacrement, il est nécessaire de le recevoir de manière à en obtenir l'effet. Or on peut mettre obstacle à cet effet, ainsi que nous l'avons dit précédemment, et, dans ce cas, le sacrement de l'Eucharistie n'est reçu qu'imparfaitement. C'est pourquoi, de même que l'imparfait est distinct du parfait, ainsi on peut distinguer la mendication purement sacramentelle par laquelle on reçoit l'Eucharistie sans son effet, par opposition à la mendication spirituelle dans laquelle on reçoit l'effet de ce sacrement, qui est l'union avec Jésus-Christ par la foi et par la charité. Note. Lorsque la mendication sacramentelle est accompagnée de la mendication spirituelle, il n'y a pas lieu d'en faire une division à part. Mais nous avons vu, en parlant du baptême, que l'on peut, par le seul désir d'un sacrement, en recevoir l'effet. Il en est ainsi de l'Eucharistie. On peut communier spirituellement par le désir de la recevoir, bien que l'on ne communie pas de fait. La communion sacramentelle n'est pas pour cela superflue, elle procure plus pleinement les effets de l'Eucharistie. Les anciens Israélites communiaient spirituellement et en figure, conformément à cette parole de l'apôtre, ils mangèrent tous la même viande mystérieuse, et burent tous le même breuvage également mystérieux. Fin de la note. 2. N'appartient-il qu'à l'homme de recevoir spirituellement le sacrement de l'Eucharistie? Il y a deux manières de se nourrir spirituellement du Christ. L'une est de s'unir à lui sous la forme qui lui est propre, elle est le partage des anges qui le voient à découvert. L'autre consiste à le recevoir ou à désirer de le recevoir sous les espèces sacramentelles. Celle-ci n'appartient qu'à l'homme, bien qu'elle ait sa fin dans l'union béatifique avec le Christ, dont les anges jouissent. 3. Les justes seuls reçoivent-ils le corps du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie? Le corps de Jésus-Christ demeure dans le sacrement de l'Eucharistie, tant que les espèces sacramentelles subsistent. Les pécheurs aussi bien que les justes le reçoivent donc en communiant. Note. Alors même qu'un animal dévorerait une hostie consacrée, le corps du Christ ne cesserait pas de demeurer dans l'espèce sacramentelle, qui subsisterait. Il en serait de même si on jetait cette hostie dans la boue. Ceci ne préjudicie en rien à la dignité du corps de notre Seigneur, qui s'est laissé mettre en croix par des pécheurs, sans qu'elle en souffrit. Fin de la note. 4. Le pécheur qui reçoit ce sacrement commet-il un nouveau péché? L'apôtre écrivait, « Celui qui mange et boit indignement, mange et boit sa propre condamnation. » 1 Corinthiens 11, 29. Ces paroles s'appliquent à la communion que l'on fait en péché mortel. Donc le pécheur commet un nouveau péché en communiant. En effet, recevoir l'Eucharistie, c'est témoigner que l'on est uni à Jésus-Christ et incorporé à son corps mystique, qui est l'Église. Or cette union ne s'accomplit que par la foi animée de la charité, laquelle est incompatible avec l'état du péché mortel. Celui-là donc qui reçoit le sacrement de l'Eucharistie dans un tel état, en fait un instrument de mensonge et commet un sacrilège en le profanant, de là un nouveau péché mortel. Note. Mais, dit-on, la personne de Jésus-Christ est-elle donc plus sacrée sous les espèces sacramentelles que sous sa propre forme? Non. Mais, lorsque Jésus-Christ était visible sur la terre et qu'il permettait aux hommes de l'approcher, il ne faisait pas de cette action un signe d'union spirituelle avec lui, comme dans l'Eucharistie. Les pécheurs qui touchaient à ses vêtements ou à sa personne ne commettaient alors ni mensonge d'action, ni sacrilège. Il n'en est pas de même de ceux qui communient en état de péché mortel, qu'il ait laissé toucher par des pécheurs un corps qui avait les apparences d'une chair viciée par le péché, on le conçoit, mais, aussitôt qu'il eut dépouillé par sa résurrection, il dut défendre à une femme, dont la foi était chancelante, tout contact pour s'assurer de sa présence. Fin de la note. 5. Est-ce commettre le plus grand de tous les péchés que de recevoir l'Eucharistie dans un tel état? Les péchés sont appelés grands à cause de leur nature spécifique ou de leurs circonstances. À considérer les péchés dans leur espèce, c'est-à-dire en eux-mêmes, ils se rangent, pour la gravité, dans l'ordre suivant, premièrement péché contre Dieu et contre la divinité du Christ, par exemple, l'infidélité et le blasphème. Deuxièmement, péché contre l'humanité du Christ, qui est supérieur au sacrement. Troisièmement, péché contre les sacrements, lesquels appartiennent à l'humanité du Christ. Quatrièmement, péché contre les simples créatures. La gravité des péchés considérés dans leurs circonstances dépend des dispositions du pécheur. Une faute commise par ignorance ou par faiblesse n'égale pas celle que l'on commet par mépris ou de science certaine, et on doit raisonner de même des autres circonstances. Le péché qui nous occupe est donc plus grave dans les uns et moins grave dans les autres. Plus grave dans ceux qui s'approcheraient de la table sainte par un motif de mépris, moins grave dans quelques autres qui agissent par une certaine crainte de voir leur péché découvert. Donc, quoique ce péché soit d'une espèce plus grave que beaucoup d'autres, il n'est pourtant pas le plus grand de tous les péchés. Note. Le parallèle que l'on établit parfois entre les bourreaux du Christ et ceux qui communient indignement est fondé sur une certaine ressemblance, les uns et les autres s'attaquent au corps du Christ, mais, sous le rapport de la grièveté relative des péchés, ils manquent de justesse, les meurtriers du Christ furent beaucoup plus coupables que ne le sont les indignes communiants. Il s'attaquait à son corps visible sous sa propre forme, l'indigne communiant attaque ce même corps caché sous les espèces sacramentelles. Ils avaient l'intention bien arrêtée de nuire au Christ, et telle n'est pas celle de l'indigne communiant. On doit porter le même jugement sur la comparaison faite par saint Jérôme entre Judas donnant un baiser au Christ, et le fornicateur qui communie indignement. Ils offensent l'un et l'autre Jésus-Christ en se servant d'un signe d'amitié, et, à cet égard, ils se ressemblent, mais, pour la grièveté du crime commis dans l'un et l'autre cas, ils ne sauraient être comparés, nous en avons donné la raison. Celui qui, ne croyant pas à la présence réelle, recevrait par mépris la Sainte Communion ou profanerait les saintes hosties, soit en les jetant dans la boue, soit en les donnant à un animal, serait certainement plus coupable que l'homme qui communie en état de péché. Fin de la note. 6. Un prêtre doit-il refuser la communion à un pécheur qui la demande? Il y a deux sortes de pécheurs, les uns sont cachés, les autres connus du public. Ceux qui affichent eux-mêmes les désordres de leur vie ou qui sont déclarés coupables par quelque sentence juridique, doivent être écartés de la Sainte Table, jusqu'à ce qu'ils se soient réconciliés avec l'Église par la pénitence. Ce serait rendre l'Église en quelque sorte complice de leur vie honteuse que de les y admettre. Le respect dû à Dieu et la sévérité évangélique imposent aux prêtres le devoir de les en éloigner. Pour ce qui est des pécheurs dont la vie désordonnée n'est pas de notoriété publique, on ne doit point leur refuser la Sainte Communion, s'ils la demandent. Tout chrétien est admissible à la Sainte Table, dès là qu'il est baptisé, on ne saurait le priver de son droit que pour une cause manifeste. Saint Augustin le disait très bien, nous ne pouvons écarter de la communion que ceux qui affichent eux-mêmes le désordre de leur vie, ou qui sont déclarés coupables par quelque tribunal. Il ajoutait, la pénitence et la réconciliation accomplies, on ne doit plus les en tenir éloignés, surtout à l'article de la mort. Nous lisons pareillement dans les décrets d'un concile de Carthage, il ne faut refuser la réconciliation ni aux comédiens, ni aux histrions, ni aux apostats, qui se convertissent à Dieu. 7. Les sensations impures des rêves nocturnes sont-elles des obstacles à la communion? Il faut examiner quelle a pu être la cause de ces rêves ou de ces sortes d'impressions, et se régler sur ce double principe, que le péché mortel seul impose l'obligation rigoureuse de s'abstenir de la communion, mais qu'il convient néanmoins de s'en priver si on a l'esprit trop agité, lorsqu'il n'y a pas nécessité de la faire. Note. Accompli dans des conditions légitimes, l'action du mariage ne doit pas empêcher de communier. Fin de la note. 8. Faut-il être à jeun pour recevoir l'Eucharistie? Saint Augustin dit dans sa lettre à Janvier, il a plu à l'Esprit Saint, pour l'honneur d'un si grand sacrement, que le corps du Christ n'entra dans la bouche d'un chrétien qu'avant tout autre aliment. Trois motifs ont déterminé l'Église à établir que la nourriture ou la boisson qu'on a prise précédemment empêche de recevoir l'Eucharistie le même jour. D'abord, l'honneur dû à ce sacrement, qui veut être reçu avant qu'aucun autre aliment n'ait sali la bouche. Ensuite, la signification attachée à cet usage, qui est de nous faire entendre que nous devons avant tout chercher Jésus et son amour, suivant cette parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Enfin, la nécessité de prévenir tout danger de vomissement ou d'ivresse. L'Église a eu soin toutefois d'exempter de la règle générale les infirmes. On doit les faire communier alors même qu'ils ont mangé, si on a lieu de craindre qu'ils soient en danger de mort, la nécessité n'a pas de loi. Note. Le jeûne naturel ou eucharistique consiste à ne rien prendre avant la communion par manière de nourriture ou de boisson, ni eau, ni aliment, ni liquide quelconque, ni médecine, en quelque petite quantité que ce puisse être. Toutefois, on ne peut regarder comme pris par manière de nourriture ou de boisson les restes du repas de la veille que l'on aurait gardé dans ses gencives et que l'on avalait le matin sans attention, ni les gouttes d'eau ou de vin qui resteraient dans la bouche qu'on vient de laver, et que l'on avalerait en petite quantité mêlée avec la salive. Le jeûne ecclésiastique, institué pour mortifier la chair, n'est pas aussi rigoureux. Les choses dont nous venons de parler ne le rompent pas, parce qu'elles sont peu nourrissantes. Fin de la note. 9. Ceux qui n'ont pas l'usage de la raison doivent-ils recevoir l'Eucharistie? Parmi les hommes que l'on regarde comme privés de l'usage de la raison, les uns en jouissent très faiblement, Ainsi l'on dit d'une personne qu'elle ne voit pas, parce qu'elle a la vue très mauvaise. Ceux qui se trouvent en cet état et qui ont une certaine dévotion pour la communion, n'en doivent pas être privés. Quant aux idiots de naissance qui n'ont jamais pu témoigner de goût pour l'Eucharistie, on ne les fait point communier. Mais les personnes qui n'ont pas toujours été privées de la raison et qui ont montré des sentiments pieux à l'égard de ce sacrement pendant qu'elles étaient maîtresses d'elles-mêmes, peuvent le recevoir à l'article de la mort, à moins que l'on ait à craindre qu'elles ne vomissent ou ne crachent avant d'avoir consommé la Sainte Hostie. Note. Les enfants nouvellement nés doivent être assimilés aux insensés qui n'ont jamais eu l'usage de la raison. Saint Denis conseille de donner la communion immédiatement après le baptême, mais il faut entendre cela du baptême des adultes. On pourrait, toutefois, faire communier un enfant qui commencerait à avoir assez de raisons pour concevoir de la dévotion envers ce sacrement. Fin de la note. 10. Est-il permis de communier tous les jours? L'Eucharistie, disait saint Augustin, est un pain quotidien, recevez-la tous les jours, afin qu'elle vous profite tous les jours. Deux choses sont à considérer dans l'usage de l'Eucharistie, le sacrement lui-même, salutaire à nos âmes, et les dispositions du fidèle qui communie. À considérer le sacrement, il est utile de le recevoir chaque jour pour en recueillir chaque jour les fruits. Puisque je pêche tous les jours, disait saint Ambroise, je dois recourir tous les jours à cette médecine salutaire. Quant au fidèle qui communie, il doit apporter à cette action beaucoup de dévotion et de respect. Rencontrez-vous un homme qui soit suffisamment préparé chaque jour, vous ferez bien de lui permettre la communion chaque jour. Saint Augustin, après ces paroles citées plus haut, l'Eucharistie est un pain quotidien, recevez-la tous les jours, afin qu'elle vous profite tous les jours, ajoutez aussitôt, vivez donc de manière à mériter de la recevoir tous les jours. Or, comme la plupart des hommes ne sauraient avoir les dispositions de l'âme et du corps dans leur perfection, il ne serait pas salutaire à tous de communier chaque jour. Il convient à cet égard d'admettre ce mot des dogmes ecclésiastiques, « Je ne loue ni ne blâme l'usage de faire la Sainte Communion tous les jours. » Note. Zachée, qui reçut avec empressement notre Seigneur, et le centenier, qui lui dit, « Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, honorèrent l'un et l'autre le Sauveur du monde. » N'en doutons pas cependant, l'amour et l'espérance, que l'Écriture ne cesse de nous recommander, sont deux sentiments préférables à la crainte. Quand saint Pierre dit à notre Seigneur, « Retirez-vous de moi, parce que je ne suis qu'un pécheur », notre Seigneur répliqua, « Ne craignez rien ». Dans la primitive Église, où la foi était très vive, les fidèles communiaient tous les jours, en vertu d'un statut du pape Anaclet. La ferveur venant à diminuer, le pape Fabien statua, par indulgence, que l'on communierait au moins trois fois chaque année, à Pâques, à la Pentecôte et à Noël. Le pape Sauter ajouta le jeudi saint. Le refroidissement de la charité se faisant encore plus sentir, Innocent III régla que l'on communierait au moins à Pâques. L'Église n'en conseille pas moins de se présenter pour la communion tous les dimanches. Fin de la note. 11. Est-il permis de renoncer totalement à la communion? Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, a dit notre Seigneur, vous n'aurez pas la vie en vous. Il y a deux manières de manger la chair du Fils de l'homme, l'une spirituelle, et l'autre sacramentelle. Tout le monde est obligé au moins à la communion spirituelle, qui est notre incorporation même à Jésus-Christ. Or, comme nous l'avons dit, Elle renferme le vœu de la communion sacramentelle. Ce vœu étant évidemment illusoire chez l'homme qui ne l'accomplirait pas lorsqu'il en a l'occasion, il y a obligation rigoureuse pour chacun de nous de communier sacramentellement, non seulement parce que l'Église nous en fait une loi, mais à raison du précepte même de Jésus-Christ, car, outre les paroles que nous venons de citer, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Luc 22, 19. Les statuts de l'Église n'ont eu d'autre but que de fixer les époques où ce précepte doit être observé. Note. Ce serait une fausse humilité que celle qui porterait à s'abstenir totalement de la communion, malgré le précepte de Jésus-Christ et de son Église. On alléguerait à tort l'exemple du centenier, auquel aucun ordre de recevoir le Christ dans sa maison n'avait été intimé. L'état même du péché n'excuse point la transgression du précepte de la communion, puisque l'on peut en sortir par la pénitence. En vain l'on prétendrait que le sacrement de l'Eucharistie, d'après ce que nous avons dit nous-mêmes, question 73, 3, n'est pas de nécessité de salut. Il n'est pas, nous en convenons, aussi nécessaire au salut que le baptême, mais cela n'est vrai qu'à l'égard des enfants, ces deux sacrements sont d'une égale nécessité pour les adultes. Fin de la note. 12. Est-il permis de recevoir le corps de Jésus-Christ sans recevoir en même temps son sang? En ce qui concerne l'usage de l'Eucharistie, il y a deux choses à prendre en considération, le sacrement lui-même, et sa réception. À ne considérer que le sacrement même, qui trouve sa perfection sous les deux espèces, il convient de recevoir le corps et le sang du Christ. Le prêtre, dont la fonction spéciale est de le consacrer et de le consommer, ne doit pas prendre l'un sans l'autre. À considérer ceux qui ont à recevoir un tel sacrement, il faut, pour que rien n'en compromette l'honneur, un souverain respect et d'extrême précaution, comme, maintenant surtout que le peuple chrétien, plus nombreux que dans le principe, se compose de vieillards, de jeunes gens et d'enfants, il pourrait arriver des accidents dans la réception du précieux sang, qui, si on ne le prenait avec beaucoup de soin, se répandrait aisément. L'Église a prudemment adopté l'usage d'en réserver la consommation aux prêtres et de ne présenter aux fidèles que le corps du Christ. Note. Les laïcs n'en éprouvent aucun préjudice, le prêtre offre et consomme le précieux sang en leur nom, et Jésus-Christ tout entier est contenu sous une seule espèce aussi bien que sous les deux. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.